إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن مدار التقوى على فعل الخير واجتناب الشر والفساد وعلى إخلاص الدين للمولى والإحسان إلى العباد عباد الله فلقد قال من أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة فيا لها من كلمة عظيمة جامعة للخيرات فيا له من كلام بليغ محيط بأصناف البر والبركات فكما دخل في هذا الإحسان الديني يدخل فيه الإحسان الدنيوي وكما يدخل فيه المعروف بالجاه والمقال يدخل فيه المعاونات البدنية والإحسان بالمال ويتناول المعروف إلى الصاحب والقريب والمعروف إلى العدو والبعيد فمن علم غيره علما أو أهدى له نصحا فقد تصدق عليه ومن نبهه على مصلحة دينية أو دنيوية أو حذره من مضرة فقد أحسن إليه عباد الله لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وتباشر جليسك بالبشاشة وحسن الخلق ولو أن تفرغ الدلو للمستقي والمتوضي ولو أن تعطي صلة الحبل وتعير الإناء للمستجدي وكلما كانت العارية أنفع كان أجرها أفضل ومن المعروف إماطة الأذى عن الطريق وعزل العظم والشوكة وجميع ما يؤذي ومن المعروف هداية الأعمى في المساجد والطرق وهداية الحيران وأن تسمع الأصم وتطعم الجائع وتسقي الظمآن وتغيث المكروب واللهفان ومن المعروف إعانة أصحاب الحوائج من الأقارب والأباعد والجيران والعفو عن من ظلمك ومقابلة الإساءة بالإحسان ومن المعروف الدعوة إلى طعام أو قهوة أو شراب للأغنياء والفقراء والبعداء والأقراب وسماحك لمن ينتفع بشيء من ملكك من ماشية ونخل وأشجار ولبن أو خوص أو حطب أو ثمار، وإعانة المسلم بكتابة وعمل صنعة ونقل متاع. ومن المعروف بذلك الفضل في المعاملات والمحاباة فيها، فما شيء يترك ثوابه ولا يضاع. ومن المعروف الإحسان إلى المماليك من الآدميين وسائر الحيوانات، ففي كل كبد جزاء وأجر واكتساب للخيرات. ومن المعروف أن تبذل لغيرك دواء نافعا، أو تباشره بطب، أو تصف له حمية أو دواء ناجحا، فكلما أوصلته إلى الخير من البر والإحسان والتكريم فإنه داخل في خطاب النبي الكريم. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سيرفيتاد الله، préservez-vous d'Allah Azza wa Jal. Préservez-vous d'Allah Azza wa Jal. Préparez-vous pour un jour dans lequel vous allez rencontrer Allah, et dans lequel Allah Azza wa Jal va vous demander des comptes. Serviteur d'Allah, sachez que tous les êtres humains cherchent à faire des investissements dans ce bas monde. Tous les êtres humains intelligents cherchent à faire de bons investissements. Tous les êtres humains intelligents dans ce bas monde cherchent un moyen par lequel ils peuvent s'enrichir. Et sachez, mes frères, que la meilleure façon de s'enrichir, c'est de s'enrichir en se préparant pour notre au-delà et d'investir avant tout dans notre au-delà. Et tout le bien qu'on fait dans ce bas monde et toutes les bonnes actions qu'on fait dans ce bas monde, eh bien, c'est des choses qu'on va pouvoir récolter dans l'au-delà. Mais la récolte de l'au-delà est beaucoup plus fructueuse et beaucoup plus bénéfique que la récolte qu'on peut faire dans ce bas monde, ou que les profits qu'on peut tirer des bonnes actions ou des bons investissements qu'on fait dans la dunya. Parce que Allah Azza wa Jal, dans l'au-delà, il récompense chaque bien qu'on fait en multipliant la récompense x10, et même ça peut aller jusqu'à x700, et même ça peut être multiplié par des nombres beaucoup plus grands encore que personne ne peut imaginer. Et quelqu'un peut faire une sadaqa et il la voit petite. Même si c'est la moitié d'une date, même si c'est un centime, et au jour de la résurrection, il voit devant lui une montagne de hasanat. Et il se demande d'où vient cette hasanat, d'où viennent toutes ces hasanat. Et Allah Azza wa Jal lui dit, c'était de cette moitié de date que tu avais donnée, que j'ai fait grandir, que j'ai fait croître pour toi, et qui est devenue maintenant cette montagne immense que tu vois devant toi. À la base, c'était une date. À la base, c'était ce centime. Et de là, on voit l'importance d'investir dans notre au-delà et de faire des bonnes œuvres pour préparer notre au-delà. Parce que si celui qui a donné la moitié d'une date, il retrouve cette montagne de hasanat au jour de la résurrection, imaginez, celui qui donne une montagne de dates, qu'est-ce qu'il va retrouver au jour de la résurrection comme récompense? Et beaucoup de gens se demandent, ils disent, mais moi j'ai pas beaucoup d'argent, je peux pas faire des sadaqat, je peux pas aider beaucoup. parce que j'ai pas beaucoup de moyens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a. C'est-à-dire, tu dois rien mépriser du bien. Mépriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu le dénigres, que tu le vois petit. Même si c'est petit, si tu le fais avec sincérité, pour Allah c'est grand. Et même si c'est modeste, et même si c'est petit, Allah Azza wa Jal va le faire grandir. Et en même temps aussi, la sadaqa, c'est pas seulement avec de l'argent. Quelqu'un peut faire une sadaqa avec tout ce qui est bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié que tout ce que tu fais de bien, c'est une sadaqa. Donc une bonne parole que tu dis à quelqu'un, une parole gentille, une parole douce, une parole par laquelle tu l'aides, c'est une sadaqa. Et le fait d'ordonner le bien, c'est une sadaqa. Tu ordonnes à quelqu'un la salat, tu ordonnes à quelqu'un la piété, tu ordonnes à quelqu'un la sadaqa, tu ordonnes à quelqu'un tout ce qui est bon, c'est une sadaqa. Tu lui interdis un mal, tu lui interdis un haram, tu lui donnes une nasiha, c'est une sadaqa. Tu aides quelqu'un qui est en difficulté, tu aides quelqu'un qui a besoin de ton aide, même si c'est pour réparer une crevaison, même si c'est pour enlever quelque chose qui est en train de nuire aux gens sur le chemin, tu vois quelque chose qui est dangereux sur la route ou sur le trottoir, tu l'enlèves, tu le mets à côté. Ça, c'est une sadaqa. Et c'est une bonne action que tu fais. Et Allah Azza wa Jal, il va te récompenser pour ça au jour de la résurrection. Et même, par exemple, si tu as une position importante dans ce bas monde, Allah Azza wa Jal, il t'a donné de l'influence. Et tu utilises cette influence pour intercéder dans le bien, pour aider des gens à obtenir ce qu'ils ont de besoin, ou bien pour les aider à obtenir quelque chose dont ils ont besoin. Cette influence que tu utilises pour le bien, Allah Azza wa Jal, il te récompense pour ça, et c'est une sadaqa aussi. La sadaqa, c'est pas juste avec l'argent. Même tu enseignes une science à quelqu'un, tu enseignes à quelqu'un un hadith, tu enseignes à quelqu'un une ayah, tu enseignes à quelqu'un un principe de la religion, tu aides quelqu'un à lire, tu apprends à quelqu'un à écrire. C'est une sadaqa. Et tout ça, c'est des sadaqat. Et les sadaqat, ça peut être dans les choses de la religion, comme ça peut être aussi dans les choses de la dunya. Tout ce que tu fais de bien pour les autres, même si c'est pour des koufars, c'est une sadaqa. Allah Azza wa Jal, il te récompense pour ça. Tu rencontres un frère, tu le rencontres avec le sourire, et tu es chaleureux avec lui, tu l'accueilles avec un grand sourire, et tu es heureux de le voir. Et tu l'accueilles chaleureusement. Bil bashasha. Bil ibtissam. Ça, c'est une sadaqa aussi. Tu rentres la joie dans le cœur de ton frère lorsqu'il est triste. Tu le réconfortes. Tu lui dis des paroles pour l'encourager. Pour l'aider lorsqu'il est dans les problèmes. Lorsqu'il a des troubles. C'est une sadaqa aussi. Donc, il ne faut rien mépriser. Il ne faut rien mépriser de ce que tu fais de bien. Toutes ces choses-là sont des choses par lesquelles Allah Azza wa Jal peut nous élever en degré. Toutes ces choses-là sont des choses par lesquelles Allah Azza wa Jal nous efface des péchés. Toutes ces choses-là sont des choses par lesquelles Allah Azza wa Jal nous récompense au jour de la résurrection. Et Allah Azza wa Jal dit, tout ce que vous faites de bien pour vous-même, au jour de la résurrection, vous le trouverez meilleur encore auprès d'Allah. Et avec une plus grande récompense encore. Vous ne pouvez pas imaginer la grâce d'Allah et sa grandeur. La grandeur de sa grâce, vous ne pouvez même pas imaginer. La grandeur de la miséricorde d'Allah, vous ne pouvez pas imaginer. Et la grandeur de la générosité d'Allah Azza wa Jal, vous ne pouvez pas imaginer. Alors, ne perdez jamais l'espoir en Allah Azza wa Jal. Regardez, alhamdoulilah, la mosquée, par la grâce d'Allah, il y a un musulman qui s'est offert pour faire la peinture. Et c'est une compagnie professionnelle. Et on les a appelés, on leur a dit, on veut faire la peinture de la mosquée. Ils nous ont dit, c'est 1 200 $. Bon, on a dit d'accord. Et une fois qu'il est rendu à la mosquée, on a discuté, il a vu, il a dit, si c'est une mosquée, je charge rien. Zéro. Je le fais pour Allah. Imaginez, ça c'est pas un ma'rouf. Imaginez la récompense de cette personne, s'il est sincère envers Allah, qu'est-ce qu'il va avoir comme récompense au jour de la résurrection pour ça? Ça, c'est quelque chose, tu dis, mais ça, c'est juste de la peinture. Même ça, Allah, il va récompenser. Et la multiplication des récompenses, elle est immense auprès d'Allah. Donc, tout ce que vous faites de bien, ça ne va pas être négligé. Et il n'y a rien de vos œuvres qui va être gaspillé ou perdu au jour de la résurrection. Tout est écrit dans un livre. Même une petite chose que vous avez faite, vous-même vous l'avez oubliée, il est écrit dans le livre. Ahsahu Allahu wa nasu. Allah, il l'a écrit, enregistré. Eux, ils ont oublié. Allah, il n'oublie rien. La yadillu Rabbi wa la yansa. Mon Seigneur ne s'égare pas, ni n'oublie. Donc, toute chose est dans un livre. Toute chose est enregistrée. Et vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Comme vous avez peur dans la dunya de perdre un centime, hein, ou d'avoir un centime de moins dans votre travail, ou dans votre emploi, ou à la banque, ou dans votre compte. Au jour de la résurrection, il n'y a rien qui se perd. Il n'y a rien qui s'égare. Tout est enregistré. Walhamdulillah. Donc, préparez-vous. Faites plus d'efforts dans le bien. À l'approche de ce moi béni du Ramadan, et demander à Allah Azza wa Jal, hein, de vous faire parvenir jusqu'à ce mois et de vous en faire profiter au maximum. On demande à Allah Azza wa Jal d'accepter de notre part nos bonnes œuvres et de nous donner l'ikhlas ou sidq dans nos paroles et dans nos actions. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. Et pour terminer, je voudrais juste qu'on fasse tous un dua pour la personne qui a fait la peinture de la mosquée, pour que Allah Azza wa Jal accepte cette action de lui et le récompense. Il y avait 3 frères avec lui. Donc, en tout, ils sont 3 frères qui ont fait le travail. Que Allah Azza wa Jal les récompense et les élève en degré dans le paradis et accepte de cette action. Wa qumu ila salatikum.